Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, le retour de Fox Mulder. Face au mystère et au paranormal, l'agent Mulder poursuit sa quête de la vérité. L'agent Scully, médecin, femme passionnée et remarquablement intelligente, est toujours intimement liée à ses recherches. Une nouvelle aventure va réunir Scully et Mulder, toujours prêts à affronter la vérité. J'ai eu une vision. Je vois le visage d'une femme. J'entends des chiens aboyer. Ils sont là dehors. J'ai fait appel à vous parce que je sais que vous croyez à ce genre de phénomène. Je ne suis pas dans les petits papiers du FBI ces temps-ci. Scully ? Mulder ? Le père Joe parle de connexion psychique. Vous croyez à ce genre de choses ? Disons que je veux y croire. N'abandonnez pas. Vous les voyez ? Je vois des yeux grands ouverts. Mes visions sont l'œuvre de Dieu. Ce n'est peut-être pas Dieu qui est à l'origine de tout ça. Mon père ! J'en ai assez de chasser des monstres dans le noir. C'est ici. J'ai besoin de toi dans cette affaire. C'est ici. C'est ici. Ici. David Duchovny et Gillian Anderson à nouveau réunis dans X-Files Régénération. Un DVD Fox Pathé au repas.